autour d'une taille de Valentine's. Je vois plus passer le time. Gros verre dosé, lunettes de soleil sur le zen. Terrasse arrosée, trou posé, renvoie le kérosène. La température grimpe d'un cran. Naturellement, on se jette à l'eau immédiatement. Ouais gros, envoie les passes, hésite, rap. Besoin de réentendre les bases du hip-hop, rap, old school. Pendant que l'alcool coule à flot, les meufs sont OP, tous des sapés, il fait vraiment chaud. Toujours droit dans mes claquettes. Ça tourne pas rond sous ma casquette. Marie-Jeanne me manque, annonçant le Big Bang. À peine enivré, l'effet revient comme un boomerang. Direction la plage, zik à fond sur l'avenue. Un bon présage pour l'été, ce cocktail de bienvenue. J'ai le son qui tape sur les épaules autour d'une table avec les potes. Ce track qui claque sur les pauses. J'ai mis la paire de Ray-Ban, casquette Jordan. Le citron vert et la glace accompagne Captain Morgan. Hey, tout est propice à passer une superbe journée. Serre le premier verre, fiche, paye la deuxième tournée. Les pieds dans l'eau à 28 degrés Celsius. On mate l'ego de base en haut en se demandant si elle suce. C'est les cons va, putain d'apéro des cons voit. Débarque au Pertus, retour au camping en convoi. J'balance les tongs, j'vais piquer une tête pour ensuite me rafraîchir avec une DSP bien fraîche ou deux peut-être. Le barbecue prévient la brèche, ramène les grillades. Vue sur la mer, la plage est juste derrière le grillage. Petite sieste sur ce trans, un touche mastal bien mérité. Je vous laisse sur ce 16 en guise de carte postale. Okay, c'est l'heure de cramer sous le sun. Et yo, c'est l'heure de flâner. Ici t'es jamais tout seul, jamais affamé. Y'a les grammes, y'a les femmes, y'a flas les seufs. Et ouais, et t'es brûlant sous les flammes. Pierre fraîche, toi photo quad neuf. Putain, j'ai pas le temps de pas me reposer. J'envoie du son old school tellement je suis posé. Je répète, et t'es brûlant sous les flammes. Bière fraîche, rien d'étonnant. Ici c'est boum boum, Jack. Ici c'est boum boum. Comment décrire ce climat, le paradis sur terre cité. Je vas-y viens, je crois que je vais y rester une éternité. Les silhouettes de rêve augmentent encore les degrés. C'est le débordement de la sève. C'est juste un petit détail à régler. Tout coule à flot, c'était le programme sur la fiche. Putain, je suis flex avant max, motherfucker bitch. À peine arrivé, j'avais déjà des coups. Soleil dans le cou, je t'envoie des rayons là où t'es. Je sais qu'il y en a pas beaucoup, yeah.